ubushikiranganje bwo kubungabunga magara y'abantu no kurwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer et merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici tout de suite les titres. Le Burundi commémore chaque 13 octobre de l'année l'assassinat du prince Louis Gwagasole. Après 62 ans, ses mots font toujours écho. Lors de la messe commémorative, le vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura a trouvé cependant que le Burundi n'incarne toujours pas le patriotisme qui caractérisait ce héros de l'indépendance, vous l'entendrez. Dans cette édition, on parlera des droits de l'homme où environ 360 personnes sont détenues dans un cachot du commissariat municipal de la mairie de Bujumbura qui n'a qu'une capacité d'accueil de 46 personnes. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme dénonce les conditions affreuses dans lesquelles ces personnes sont. Et désengorger les collines en construisant des villages modernes à travers les communes et provinces et créer de grandes surfaces cultivables sont quelques-unes des prévisions de la vision du chef de l'État pour un Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 lors d'une réunion de ce jeudi avec les intervenants dans le secteur de la sécurité annoncé. Cela a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Voilà pour le menu. Doré Bingabi, je suis à la présentation. Anselme Ilambona assure la mise en onde. Soyez les bienvenus. Après la victoire du parti Prona en 1961, le prince Louis Gwagasole a prononcé un discours réconciliant ceux qui venaient de gagner les élections et ceux qui venaient de les perdre. Il n'a pas oublié de préciser que son gouvernement allait mettre en avant l'unité nationale de combattre et combattre avec la dernière énergie, la délinquance et le détournement des deniers publics. Suivez plutôt le prince Louis Gwagasole. Dans toute compétition, fut-elle politique, il y a un gagnant et un perdant. Et lui prona, de par votre libre volonté, est sorti vainqueur d'une élection législative et formera demain le premier gouvernement du Burundi autonome. Vainqueurs et perdants sont tous des Burundis, membres de la même famille nationale, enfants d'un même moine. Le Burundi a besoin de tous, à quelques partis politiques qu'ils appartiennent. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, la victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundais la comprend et la veut, c'est-à-dire la véritable justice sociale, plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. Les irresponsables, quels qu'ils soient, et j'exhorte surtout les partisans et amis de l'Uprona à se montrer dignes de la victoire du parti. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre loyalement et colonialement la main aux adversaires d'hier, de nous étaler de l'orgueil et de l'insolence. Le comité national de l'Uprona sera sans pitié pour ceux de ses partisans qui ne respectent pas ce modèle impératif de courtoisie, de tolérance et de respect d'autrui. Car le parti ne tolérera pas que le prestige, l'honneur et l'avenir de la patrie soient compromis par des paroles ou des gestes irréfléchis de quelques exercices. La campagne électorale est terminée. Le passé doit être oublié. Et il ne faut plus penser qu'à l'avenir qui est prometteur si nous en voulons et si nous agissons en conséquence. Par conséquent, les hommes qui se permettront d'encourager ou d'importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie et seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable, un châtiment dont ils se souviendront. Les autorités burundaises doivent tenir compte de la ligne directrice tracée par le prince Louis Gwagasole d'unir tous les Burundais sans tenir compte de leurs différences. Propos du président du parti Frona, Olivier Nkurunziza. Au moment où le Burundi commémore le 70e anniversaire de l'assassinat de ce héros de l'indépendance, il trouve que le gouvernement a la responsabilité de faire du Burundi un pays meilleur, où tout le monde jouit de ses droits et de développer la coopération diplomatique. Écoutez. Le discours de Gwagasole, quand on essaie de l'analyser, ça reste toujours une ligne directrice que les autorités burundaises pouvaient toujours suivre. Parce que quand ils demandaient que les Burundais soient unis, il faut qu'effectivement nos autorités pensent toujours que dans la mise en place de différents postes qui tiennent compte de cette unité des Burundais provenant dans les ethnies différentes, mais aussi des partis politiques différents, parce que tous les Burundais ont besoin de contribuer, que personne ne soit pas exclu suite qu'il est dans un parti politique ou de l'ethnie telle, parce qu'ils ont des talents, ils ont aussi à contribuer dans notre pays. Mais autre chose qu'il doit tenir compte, c'est de développer le pays. Bien sûr, nous avons entendu le mot d'ordre de son Excellence, le Président de la République, qui demande au Burundi de travailler afin de produire pour qu'il y ait des devises. Mais la question qu'on se pose toujours, c'est de savoir effectivement, en attendant qu'il y ait la production, qu'on ait à vendre à l'extérieur du pays. Alors, il faut qu'il y ait des mesures, effectivement, pour que la vie des Burundi ne soit pas une vie qu'on observe aujourd'hui. Alors, cela, c'est la responsabilité de gouvernement de penser, de chercher toutes les stratégies afin que les Burundais aient une vie meilleure, comme le prince Louis Gwagasole le souhaitait, d'avoir un pays heureux et un pays prospère. Mais aussi, il faut toujours travailler pour que les relations diplomatiques soient très affaiblies. Nous saluons l'étape déjà franchie, mais qu'on ne retourne pas en arrière aujourd'hui. C'était Olivier Nkurunziza, président du parti Uprona. Les Burundais sont encore loin de suivre l'héritage du prince Louis Gwagasole qui était caractérisé par l'esprit patriotique et unificateur. Le vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura, Monseigneur Anatole Lubenyange, a tenu ses propos dans son homélie lors de la messe commémorative. Selon lui, ces événements devraient être une occasion pour les Burundais de faire une introspection, de promouvoir l'unité et éviter les divisions ethniques qui mènent souvent vers les tueries. Suivez deux. Les preuves de l'existence des démons sont une réalité. L'assassinat du prince Louis Gwagasole, les théories qui ont eu lieu au Burundi depuis les nombreux péchés décrits dans Genèse 5, verset 19. Que sais-je? Troisièmement, comment les vaincre? Est-ce que nous pouvons faire ce qui nous dépasse, qui est réservé à Dieu? Le texte du prophète Joël décrit ce qui est à notre pouvoir. Faire pénitence, jeûner, se convertir, prendre conscience des péchés que nous commettons, qui nous habitent, et éveiller chez les autres cette conscience du péché. Ceci nous interpelle à demander pardon, recevoir souvent le sacrement de réconciliation et à se préparer ainsi pour la venue du jour du Seigneur. Il y a un comportement qui va avec quelqu'un qui est avec Jésus et celui qui va avec quelqu'un qui est coupé de lui. Des exemples sont nombreux dans notre pays. Gwagasole nous a laissé l'héritage de quelqu'un qui a été avec Jésus. On nous dit que le matin du jour de son assassinat, il avait reçu le sacrement de réconciliation, sans parler de son engagement pour le bien-être des Burundis. Il en a succombé. Il y a aussi des saints qui témoignent qu'ils ont vécu avec Jésus toute leur vie. Demandons la grâce d'être avec Jésus pour qu'il irradie en nous les rayons de sa lumière et qu'à notre tour nous puissions rayonner dans notre entourage en œuvrant pour l'unité, la réconciliation, l'amour, l'engendrement mutuel, en vue du bien-être de tout un chacun et d'un environnement attrayant. Amen. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro, l'actualité nationale continue, parlant des droits de l'homme. 322 hommes et 38 femmes sont détenus au commissariat municipal de la mairie de Bujumbura, ex-bureau spécial de recherche, BCR, dans un cachot d'une capacité d'accueil de 46 personnes seulement. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, dénonce que ces personnes sont détenues sans dossier, ce que la police ne confirme pas. La CNDH a plaidé pour leur libération, mais le commissaire municipal s'y est opposé, comme le montre le compte X, ancien tuteur de la Commission. Le point avec Alain Désiré Oukeneda. Au cours d'une descente effectuée par la CNDH ce jeudi à l'ex-BCR, les membres de la commission ont constaté que la capacité d'accueil du cachot est largement dépassée. C'est ainsi que 322 hommes et 38 femmes sont détenus dans un cachot capable d'accueillir 46 personnes seulement. Et parmi ces femmes, certaines ont des enfants d'au moins de 3 ans. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme dénonce une détention arbitraire par le fait que la plupart de ces gens n'ont pas de dossier. Sur son compte X, ex-Twitter, la CNDH annonce que l'ex-BCR dispose d'une toilette remplie et un seul robinet sans eau courante. Le procureur général de la République ainsi que les procureurs de Mukasa, Muha et Nahangwa ont épaulé la commission en vue de la libération de ces détenus, mais en vain. La commission en charge des droits de l'homme au Burundi regrette que malgré ce plaidoyer et avec constat des conditions inhumaines et dégradantes au sein du cachot de l'ex-BCR, le commissaire municipal de la mairie s'est opposé à toute relaxation de ces personnes détenues illégalement. Le porte-parole de la police burundaise nous a indiqué que la police n'admet plus des cas de détention sans dossier, mais aussi qu'il n'y a pas eu d'arrestation de masse. Ici, il propose à la CNDH de faire une identification de ces personnes détenues avec précision des noms et délais de détention. Quant aux conditions carcérales, Désiré Ndouimana indique que les délais de la procédure judiciaire sont respectés et que parfois, s'il est nécessaire de dépasser les délais, les officiers de police judiciaire n'ont qu'à informer le ministère public qui prend une décision adéquate. En date du 19 septembre cette année, la CNDH avait fait libérer plus de 300 personnes qui étaient détenues au même commissariat municipal de police de Bujumbura. Au cours d'une émission publique animée par le gouvernement vendredi 6 octobre, le Premier ministre ainsi que le ministre de la Justice avaient mis en garde les organes judiciaires que toute détention arbitraire est interdite sur le territoire burundais. Alain Désiré Boukeneza, je vous l'avais dit dans les titres, le Burundi prévoit de construire des villages modernes à travers les communes et provinces du pays d'ici 2040. Cela pour désengorger les collines et créer de grandes surfaces cultivables. Ce sont quelques-unes des prévisions de la vision du chef de l'État pour un Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, tel qu'annoncé par le ministre de l'Intérieur Martin Niteleti. C'est lors d'une réunion avec les intervenants dans le secteur de la sécurité publique. Ce jeudi, les administratifs ont exprimé quelques réticences face à cette mesure qui vise à déplacer les gens de leur parcelle. Le ministre Martin appelle les gouverneurs à faire le suivi. Sheila Ilambuna pour les détails. Proposer ce qui doit être mis dans le document final de la vision pour un Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060, c'est ce qui a réuni tous les intervenants dans le domaine de la sécurité dans une réunion ce jeudi. Au cours des discussions, beaucoup d'interventions sont revenues sur le point de construction des villages modernes. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteleti, a indiqué que ces villages ont été prévus pour désengorger les marais afin d'avoir des espaces cultivables. Ces villages ne vont pas être construits pour rien. C'est pour encourager les gens à quitter les marais pour qu'on puisse avoir des espaces cultivables, pour que ces gens puissent vivre convenablement. Les administratifs ont indiqué de leur côté qu'il va être difficile pour eux de faire comprendre cela à leurs administrés que cette mesure va leur être bénéfique. Nous avons effectué sous vos directives une réunion pour leur expliquer qu'ils doivent quitter les collines et pour venir dans les villages. Nous avons aussi donné des terrains au niveau des communes. Nous avons rencontré quelques difficultés. Les gens âgés n'ont pas accepté de quitter leur propriété. La commune cherche des fonds pour acheter ces terres sans qu'elles soient propriété de la commune. Je ne sais pas si cela est possible ou pas. Si la commune ne le fait pas, le gouvernement devrait l'envisager pour multiplier les terres cultivables. au ministre de l'Intérieur d'appeler les gouverneurs à faire le suivi. Concernant le projet de 2040 et 2060, il y a beaucoup de choses à faire, qu'on peut faire même sans fonds. Monsieur le gouverneur administratif, vous n'entendez tous ceux qui ne veulent pas mettre en œuvre la vision du chef de l'État démissionné. Les administratifs ont clôturé cette réunion en demandant que ces parcelles dans ces villages soient attribuées à des gens de faibles moyens. Merci à toi, Sheila Idambonay, pour reboucler cette édition. Les groupements financiers communautaires sont soumis au nouveau règlement depuis ce 10 octobre 2023. Cela transparaît dans le communiqué de la Banque de la République du Burundi sorti à cette date. En outre, la mesure du 31 janvier 2023 portant suspension d'enregistrement des nouveaux groupements financiers communautaires est levée. Quant aux groupements déjà enregistrés, ils disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer au nouveau règlement. Jean de Dieu, il a causé, nous lit le contenu de ce communiqué. Les groupements financiers communautaires sont désormais régis par le règlement numéro 14/M/23 depuis ce 10 octobre. Ce règlement est relatif à leur enregistrement, leur fonctionnement ainsi que l'enregistrement des comités de gestion selon le communiqué de la Banque centrale. Les groupements financiers communautaires déjà enregistrés ont un délai de 6 mois pour se conformer au règlement indiqué ci-dessus, comme ce communiqué signé par Edouard Normand Vigendako, gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Dit de précise. La mesure suspendant l'enregistrement de nouveaux groupements financiers communautaires avait été prise le 31 janvier 2023 suite au non-respect des dispositions en rapport avec les activités autorisées à ces derniers, avait expliqué la Banque centrale sans donner beaucoup de précisions dans le communiqué du 31 janvier de cette année. En définitive, ce communiqué récent rappelle en outre que les groupements financiers communautaires sont uniquement autorisés à effectuer des activités de collecte des cotisations de leurs membres et l'octroi des crédits à ces derniers selon l'approche convenue. Jean de Dieu, il a causé et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Doré Bengabile, j'étais à la présentation. Anselme Ilambona assuré la mise en onde. Ne tournez pas le bouton, les programmes continuent sur Isanganiro.